À l'occasion du 22e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, Cho Il-min, représentant de la filiale à Pyongyang du Front démocratique national anti-impérialiste, a accordé le 6 courant une interview au correspondant de l'Agence télégraphique centrale de Corée. Il a dit notamment: les trois principes de réunification de la patrie, le projet de fondation de la République fédérale démocratique du Koryo et le programme en 10 points pour la grande union de toute la nation traduisent à la lettre l'ardent patriotisme et la volonté de réunification invariable du grand président Kim Il-sung. Il est vraiment l'éminent leader parmi les grands hommes de l'histoire, vu l'idée, la compétence politique, la noble vertu et les exploits. Grâce au respecté maréchal Kim Jong-un, l'histoire de direction de la réunification du pays des grands généralissimes Kim Il-sung et Kim Jong-il continue comme toujours, et la cause de souveraineté nationale et de réunification de la patrie sera accomplie sans faute.